Les prophètes Osée et Joël. Osée a vécu en Israël, dans la partie nord du pays, durant la période mouvementée où les Assyriens terrorisaient tous les peuples en envahissant un pays après l'autre. Il a prophétisé entre 760 et 720 avant Jésus-Christ, soit durant les 40 années précédant la déportation d'Israël en Assyrie, dans une époque d'infidélité et de désobéissance. Dieu a envoyé Osée auprès des chefs du peuple pour les avertir de ses châtiments et, in extremis, les exhorter à la repentance. Pour qu'ils écoutent, il fallait que Dieu parle fort, par un langage propre à les secouer de leur torpeur. Osée avait épousé une prostituée, ce qui avait causé un scandale public et tout le monde en parlait. Mais par son mariage avec cette femme, Osée devait être un signe, car, sur un autre plan, cette situation morale choquante se retrouvait chez ses compatriotes. Comme la femme d'Osée s'était prostituée, la nation d'Israël s'était prostituée au faux Dieu. Mais comme Osée continuait d'aimer cette femme, Dieu continuait d'aimer Israël et était prêt à lui pardonner. Trois enfants étaient nés de cette union. Un garçon, Jisrael, dont le nom veut dire « dispersé ». Une fille, Lo-Ruhama, celle dont on n'a pas pitié. Enfin, un autre garçon, Lo-Ami, pas mon peuple. Et qu'est-ce que Dieu voulait dire par là? Israël serait dispersé, Jisrael. Nul n'aurait plus pitié de la nation dans son malheur, Lo-Ruhama. Et l'on ne reconnaîtrait même plus ce peuple qui, à l'origine, avait été le peuple de l'Éternel, Lo-Ami. À l'époque d'Osée, Israël avait donc sombré dans une indifférence totale à l'égard de son Dieu. « Mon peuple consulte son bois, car l'esprit de prostitution égare, et ils se prostituent loin de leur Dieu. » Osée 4, 12. « Éphraïm se mêle avec les peuples. » Éphraïm était le nom d'une tribu d'Israël, nom qui s'applique ici à l'ensemble de la nation. « Des étrangers consument sa force, et ils ne s'en doutent pas. La vieillesse s'empare de lui. » Et il ne s'en doute pas. Osée 7, 8 à 9. Alors, n'y avait-il vraiment plus d'espoir pour Israël? Si, car Dieu est toujours disposé à écouter la prière et à sauver celui qui se repent. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Osée 6, 3. Le nom Osée veut dire « l'Éternel sauve ». Et Osée était un signe pour son peuple. Que des Israélites sincères se laissent avertir, ils pourraient encore échapper au glaive et être sauvés. Dieu était prêt à se révéler à eux et à les délivrer. Des siècles se sont écoulés. Les Israélites n'ont échappé ni à la déportation, ni à l'inquisition, ni au four crématoire. Aujourd'hui encore, Israël souffre. Pourquoi Dieu permet-il que toutes les forces de l'antisémitisme se liguent contre la nation d'Israël? Il y a une raison. Voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Osée 2, 16. Israël traverse déjà le désert des privations et de la persécution. Et la Bible nous montre que ses perspectives d'avenir ne sont pas meilleures. L'Écriture annonce le temps des troubles de Jacob. Alors Dieu parlera au cœur de la nation. Lisons encore, chapitre 2, verset 17. « Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée du trouble comme une porte d'espérance. » Et là, elle habitera comme au temps de sa jeunesse. Au pire moment de l'histoire de la nation d'Israël, son trouble deviendra pour elle une porte d'espérance, car l'affliction la ramènera à son Seigneur. Le prophète Zacharie, au chapitre 12, verset 10, nous montre qu'un jour, l'esprit de grâce et de supplication, qui est l'esprit de Dieu lui-même, s'emparera de la nation et la transformera. Alors l'Éternel dira-t-elle « Je réparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère, Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lys. Ses rameaux s'étendront. Osée 14, 4 à 6. Et fin du verset 8. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Nous retrouvons la note d'espérance du chapitre 14 d'Osée dans la prophétie du livre de Joël. C'est pourquoi il était tout indiqué de grouper ces deux livres dans une même étude, bien que Joël ait vécu au moins un siècle avant Osée. Toutefois, Joël ne fait retentir cette note d'espérance qu'après avoir prononcé une complainte sur la situation de ses contemporains. Comme Osée, il est attristé de la conduite de ses compatriotes qui vivent si loin de Dieu. Une calamité vient de les frapper, une invasion de sauterelles a ruiné toute leur culture. C'est l'occasion pour le prophète d'annoncer un jugement plus grave encore. Le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard. Joël 2, 1 à 2. Ce jour, ce fut d'abord l'invasion d'une armée bien plus dévastatrice que les sauterelles, l'armée du roi d'Assyrie, invasion survenue au 8e siècle avant Jésus-Christ. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu. Devant lui est un feu dévorant, et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden, et depuis, c'est un désert affreux, rien ne lui échappe. Joël 2, 2 à 3. Alors, n'y a-t-il vraiment plus d'espoir pour Israël? Si, car Dieu est toujours disposé à écouter la prière et à sauver celui qui se repent. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction. Joël 2, 13 à 14. Joël espère en dépit de tout, parce qu'il sait que Dieu est toujours prêt à pardonner à l'homme ou au peuple qui se repent. Et tandis que l'envoyé de Dieu rappelle les promesses de l'Éternel pour la nation, sa prophétie fait un saut dans le temps et évoque soudain le sort d'Israël à la fin de l'ère chrétienne. Après cela, donc après les malheurs, après le génocide, après les guerres, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Joël 2, 28 à 29. Lorsque l'apôtre Pierre a cité ce passage à Jérusalem au jour de la Pentecôte, Actes 2, 16 à 21, il pensait que toute cette prophétie de Joël était en train de s'accomplir. Mais le Saint-Esprit, qui était alors descendu sur les apôtres, n'a pas saisi toute la race d'Israël à ce moment-là. Et les versets qui suivent ne se sont pas non plus réalisés. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Joël 2, 30 à 31. Ces cataclysmes universels n'ont eu lieu ni à la Pentecôte, ni depuis. En effet, ils sont réservés à l'époque apocalyptique. Bientôt, tous ces événements vont surprendre le monde. Alors d'autres paroles prononcées par Joël verront aussi leur réalisation. Car voici, en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple, d'Israël mon héritage qu'elles ont dispersé parmi les nations et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat. Car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein, les cuves regorgent. Car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement. Joël 3, versets 1 à 3 et versets 12 à 14. Aujourd'hui, c'est le réveil des nations. Demain, ce sera leur jugement, un jugement que le chapitre 14 de l'Apocalypse décrit en ces mêmes termes, d'une moisson tombant sous la faucille divine et d'une vendange remplissant le pressoir du courroux céleste. Il faut que le Fils de Dieu exerce l'autorité de sa verge de fer sur les peuples pour qu'Israël, enfin entièrement rapatrié, connaisse la vraie prospérité. L'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résidant à Sion, ma sainte montagne. Joël 3, 16 à 17. Relisez ces deux prophéties d'Osée et de Joël, qui sont d'une brûlante actualité. Elles montrent le dénouement futur de la situation politique du Proche-Orient, cette situation à laquelle se heurtent aujourd'hui les hautes instances internationales. La solution de tous ces problèmes, c'est le retour de Jésus-Christ, le roi des rois, pour juger les nations et établir son règne. N'est-ce pas le moment de vous préparer à cet événement? Demain, le Fils de Dieu se manifestera en juge sur la terre. Aujourd'hui, il parle du ciel en sauveur. Demain, les hommes seront obligés de fléchir les genoux devant lui. Et alors, il fera toute chose nouvelle ici-bas. Mais aujourd'hui, vous êtes libres d'accepter ou de refuser le salut qu'il vous propose. Si en cet instant, vous lui ouvrez votre cœur, il fera toute chose nouvelle dans votre vie. Alors, pourquoi ne pas vous décider pour lui maintenant ?